Annie, l'amour de ma vie. Annie, ensemble on s'est conquis. C'est nowhere que t'es sorti, un peu comme le fer dans le ciment. T'es crazy, t'es nu de beau terrain. Fait que si je me descends, fait que pas qu'est-ce qu'on te faire semblant. C'est trop mêlant, ça like le first look en dis long. Tu me rends puissant, c'est comme ça sans faire de signe. Sans prévenir ou m'avertir que notre amour était prêt à mûrir. Pis ça sans rien dire, j'étais pas prête pour tes yeux d'ange. J'étais pas prête pour que ma vie change. Le coup de foudre a fracassé, puis personne ne savait. C'est sans effort que ça fait ses forts, puis que ça fait son effet. Comme si un livre tournait ses pages, puis qu'il n'y a pas de fait pour l'histoire. C'est sûr que je t'aime encore toujours sous ma plus forte que le premier soir. Te cache aucun secret, t'es ma princesse, t'es ma vie. À mon avis, oui, on a le destiné. C'est vraiment toi que j'aime, juste toi les autres. C'est jamais au grand jamais je le fais. Tu me fais pas, puis je te fais pas. Je te ferai pas, puis tu me fais pas. J'suis assez fort comme un seul homme de bravir de ce moment. Au microphone, je run. T'as mis ma switch à on. À chaque fois tu m'impressionnes. Quand on rit, on se bidonne. C'est ton sourire qui rayonne, puis ton regard qui m'étonne. Avec ta vie, je me façonne. C'est ton cœur qui me fascine. Nos chemins s'y croisent, c'est notre destin qui dessine. J't'ai pas menti quand j't'ai dit que j't'ai menti. Puis que tu me manquais, puis que j'aime complimenter. T'es mon complimenté. C'est pas mon montagne et mon amour va augmenter. Puis j'serai jamais tanné, cause you're my baby chicks. You're my only love, cause you're my baby chicks. You're my only love. Oh, ma chère Annie, t'es arrivée au bon moment. Sortie nowhere comme un kit dans un vrai monde de grand. Pis j't'aime plus grand que dragon, y'a plus gros qu'une maison. J'étais plus vite que Cupidon avec les flèches de ma chanson. J'suis pas un gars vicieux parce que j'vis sur le mieux. J'laisse faire les fissures que de censure pour un jeu. J'te jure que nous vis et visiter, j'ai incité à rien pousser. Pis t'es laissé le temps aller juste pour rien pousser. Y'a pas des toits qui sont trop loin pour décrocher. J'vais m'arracher, j'irai marcher là où personne ne peut marcher. On peut faire un bout sur l'autoroute de la vie. J'irai où tu veux pis quand tu veux. Même si c'est pas précis, tu débarques dans ma vie. Ça a l'air de rien, change muni mon destin, j'en perds mes moyens. Tu enlèves la pluie, chasse les nuages, tu fais briller ma vie, toi t'en fais des ravages.